J'ai dû écouter les critiques pour continuer mon stratagème. On a évolué depuis l'époque du portable, ça j'aime. Aya, tu sais qu'on se balance de phase en phase B. J'ai trop fait d'erreurs, donc je regarde le futur, efface le passé. J'en vois de toutes les couleurs, les bras dans l'arc-en-ciel. Je veux pas de vos studs, moi je fais des sons à l'ancienne. Je laisse la marche, je fais de préludes. Ok, bientôt le châtiment, vous allez suffoquer. Et allume les lumières, jamais en manque d'inspiration. Une fois de plus, je vais le faire, appelle-moi Napoléon. Et approche les ondes, on est loin de s'arrêter. Le buzz commence là, où la notoriété veut se méfier. Je suis pas un gangster, très loin de vos clichés. Une fois de plus, entre frères, je le fais. Et j'écris des 16 comme des statues Facebook. Lève les bras au ciel, la vie n'est pas un comic book. Ness, on est frais. Depuis le début, je vise loin. À mes frais, on vise les hémisphères. On est tous différents, chacun son mystère. Et si t'en veux plus, call me. J'écris, et j'oublie pas la team. Oh oui. Punchline time, yeah. Ok. Y'a des cas, non j'ai pas la haine. J'rebondis, prends le coche, j'peux pas avoir l'heure sans fan arène. Rien n'a changé depuis j'ai peur. Punchline avec Aya, bah les haters. J'ai trop d'adversaires, mais j'm'en préoccupe pas. Je trace ma route comme Yugataga. The Artist, on rappe à l'époque du noir et blanc. Je l'ai dit, je ferai tout pour ne pas être sur le banc. J'écris tout le temps, mais je sais que personne ne m'en dit. Je fais des podcasts de mon rap, Mister V. Il faut que les gens meurent pour que l'on parle d'eux. C'est vrai, je vais plus lentement, je prends les instrus par deux. J'assume mes choix, des fois je devrais pas. Je sais que j'échoue devant moi, trop d'épaves. Je suis au stade de figurine, mais c'est qui ce con? DKSS, je crois que je suis l'éternel second. Ness, on est frais. Depuis le début, je vise loin. À mes frais, on vise les hémisphères. Yeah, on est tous différents, chacun son mystère. Et si t'en veux plus, call me. J'écris mais j'oublie pas la team. Oh oui. Yeah. Troisième couplet. Plus soft. Je vais pas te faire les autres rappeurs, genre ouais je suis un ouf. Girl, j'ai des modèles dans ce biz que je ne recopie pas. Je fly comme Manbird, car j'ai pas le même vécu que Section. Même si on était au même niveau il y a peu de temps, j'ai pas le hardcore de Booba, je suis pas le pilier du rap et pas tant. Punchline time. Calme l'instru, faut que je reprenne. Je trace ma route avec Mersdine, même si nos parcours sont différents. Qui se ressemble, ça semble dicton de merde, car niveau caractère et rap, on n'a rien à voir, on est effarant. Stop. De phase en phase B, c'est bientôt derrière, ouvre-moi les portes. Je suis pas à la relève de cette génération, peut-être de l'autre. Mais que le temps passe, déjà presque 15 ans. Quand tu regardes le passé, tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas futuriste, donc diront que je suis pas un artiste. J'assume pas comme au début d'Aurel San, mais les flammes j'attise. Yeah. Ness. On est frais, depuis le début je vise loin. À mes frais, on vise les hémisphères. On est tous différents, chacun son mystère. Et si t'en veux plus, call me. J'écris, mais j'oublie pas la team. Oh oui, punchline time. Et je vais m'arrêter là.